السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فها نرجع إلى دراسة سيرة سيد ولد آدم وسيد النبيين والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي دروس مضت وصلنا إلى ما بعد غزوة خيبر، ولبعد الزمن سنراجع ما مضى من الدروس. قال غزا الله سبحانه وتعالى. Nous avions commencé l'étude de la biographie du plus noble des hommes, du meilleur des enfants de Adam, le prophète Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes arrêtés suite à Ramadan probablement. Et ce soir, Inch'Allah ta'ala, nous allons reprendre l'étude de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous étions arrivés après la bataille de Khaybar. Donc on avait bien avancé, bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. Mais vu que ça fait un long moment, nous allons réviser quelques points passés afin que s'ancrent nos connaissances et qu'on puisse bâtir dessus pour poursuivre. Et celui qui étudie la sira, il lui convient de savoir l'importance de la science dans laquelle il entre. Car en réalité, il va étudier une grande partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui étudie et qui apprend à connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il étudie en réalité l'islam. Il étudie en réalité l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, le comportement. Il apprend les nobles caractères, il apprend ad-da'watu ila Allah, la prédication et appeler les gens à Allah. Il apprend l'islam tout entier. Car c'est avec cela qu'a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions vu que les sources auxquelles nous revenons dans l'étude de Sira, étaient en premier lieu Al-Qur'an al-Karim, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très nombreux sont les versets qui nous parlent du prophète alayhi salatu wa salam, de sa description, de son ressenti, de ses batailles, de sa situation familiale et beaucoup d'autres choses. Nous avions également cité de nombreuses leçons et de nombreux points positifs qu'il y avait dans l'étude de la sira. À savoir que le prophète alayhi salatu wassalam est un exemple pour les mondes, et il n'a été envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Donc celui qui étudie As-Sira, il pourra concrétiser son suivi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah, pour celui qui espère en Allah, qui espère le jour dernier et invoque Allah abondamment. Donc la personne doit étudier As-Sira pour savoir comment suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, ajoutez à cela que celui qui étudie As-Sira se verra accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. car il aura la connaissance de la manière dont a adoré Allah subhanahu wa ta'ala le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi il pourra le copier. Et vous n'êtes pas sans savoir que la condition pour qu'Allah azza wa jalla accepte nos actes d'adoration, c'est de les mettre en pratique comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant sincère. Et il nous dit alayhi salatu wa salam, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui apporte une nouveauté dans notre ordre alors qu'elle n'en fait pas partie, cette chose-là sera rejetée. Donc toi qui étudies As-Sirah, tu vas savoir comment le prophète alayhi salatu wassalam a prié, a fait ses ablutions, a jeûné, a fait le pèlerinage, a fait l'Umrah, s'est comporté et ainsi de suite. Tu pourras donc le copier et tu te verras agréé, accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ajoutons à cela que celui qui étudie la sirah va comprendre le Coran, car la sunna du prophète alayhi salatu wassalam est la seconde révélation, et en étudiant sa vie on va comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous et ce qu'il a révélé, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans l'affirmation des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou dans le monothéisme, dans l'adoration et le culte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore dans les transactions et les nobles caractères. Tout cela s'étudie dans l'étude de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsque Aïcha a été questionnée sur son comportement, elle a dit kana khuluquhu huwa al-Qur'an. Son comportement était al-Qur'an. Il mettait en pratique ce qui se trouvait dans le Qur'an. Et Allah dit de lui wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et tu es certes d'une moralité imminente. Tu es sur une religion complète et parfaite. Celui qui étudie Sira, sa foi augmentera. Il aimera davantage le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aimera davantage Allah azza wa jalla. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un point très important dans la foi du serviteur. Il nous dit à cet effet, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, personne d'entre vous ne sera croyant tant qu'il ne m'aimera pas plus que ses enfants, ses parents et l'ensemble des gens. Et lorsque Omar ibn Khattab radiallahu anhu lui a dit, je jure par Allah au message d'Allah que tu es celui que j'aime le plus parmi les gens en dehors de ma propre personne, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, la ya Omar, non ô Omar, ceci n'est pas suffisant jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de toi que ta propre personne. Puis Omar ibn Khattab a concrétisé ce point en disant, désormais par Allah je t'aime plus que moi-même. C'est ainsi que le musulman, lorsqu'il étudie As-Sirah et il voit la perfection des qualités du prophète alayhi salatu wassalam, il n'a d'autre choix si ce n'est de l'aimer. Il n'a d'autre choix si ce n'est de l'aimer. Celui qui connaît le prophète alayhi salatu wassalam va augmenter son iman, il va augmenter sa foi. Quant à celui qui ne le connaissait pas ou qui ne reconnaissait pas sa prophétie, ça le poussera à croire en lui et à avoir foi en lui. Celui qui étudie la sirah du prophète alayhi salatu wassalam pourra reconnaître la méthodologie authentique et la bonne, celle qu'il nous faut suivre, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans la compréhension du Coran et de la Sunna. En étudiant As-Sirah, il verra quel est le manhaj authentique. Et Allah Azza wa Jal a parfaitement enseigné cela dans le Coran lorsqu'il nous dit « Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa mani taba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushriki » dit « Voici ma voie ». À la fin de Surat Yusuf, la traduction des sens de ce verset dit « Voici ma voie, j'appelle à Allah ». Donc la voie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est d'appeler, d'inviter les gens à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, à adorer Allah seul d'un culte sincère. De quelle manière ? « Ala basira », avec clairvoyance, avec science, en se basant sur les preuves. Lui, yani moi et ceux qui me suivent. Exempté soit Allah de tout défaut, et je ne suis point du nombre des associateurs. Ça, c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inviter les gens à revenir vers Allah, à revenir vers l'unicité d'Allah dans le culte. Et avec, yani il fait cela avec science et avec sagesse. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et la bonne exhortation. Ainsi, en étudiant la sirah, on prendra ou on tirera les nombreux enseignements pour savoir comment prêcher et quelle est la voie authentique. L'étude de sirah est une des grandes portes qui mène, qui permet de goûter au bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Plus encore, les savants nous disent qu'il n'y a pas de chemin qui mène au bonheur réel, concret et durable, si ce n'est en passant par la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que sa connaissance est un besoin indispensable. Sa connaissance est un besoin indispensable. Et il nous dit qu'il n'y a pas de bonheur ni de réussite dans ce bas monde ni dans l'au-delà, si ce n'est en passant par le chemin des messagers. Si ce n'est en passant par le chemin des messagers. C'est pour cela qu'il nous faut tous étudier un minimum de la sirah du prophète alayhi salatu wassalam, de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce minimum qui nous fera sortir des ignorants à son sujet. En étudiant la sirah, tu auras beaucoup de hasanat et tu recevras les prières d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il te mentionnera et fera tes éloges auprès des anges rapprochés. Car son nom sera constamment cité et tu diras sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui pour cela 10 fois. C'est-à-dire lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam est mentionné, ou bien lorsque toi tu le mentionnes, lorsque tu dis sallallahu alayhi wa sallam, Allah fait tes éloges à 10 reprises. Et ça, c'est une récompense qui est très grande et qui a une grande valeur. C'est pour cela que les savants ont beaucoup écrit dans ce domaine et qu'ils ont beaucoup mémorisé dans ce domaine et ont donné des heures pour enseigner dans ce domaine. Et c'est pour cela que de tout temps, les enfants ont reçu cette éducation et on leur fait mémoriser les passages de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le disaient les anciens, on faisait apprendre aux enfants les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on leur enseignait le Coran. On faisait apprendre aux enfants les batailles du prophète alayhi salatu wa sallam comme on leur enseignait le Coran. Et la première chose que citent les savants lors de l'étude de la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa lignée, c'est-à-dire nasabuhu. Donc on doit savoir au minimum qu'il se nomme Muhammad ibn Abdillah et qu'il fait partie de Quraysh. On doit au minimum savoir qu'il se nomme Muhammad, que son père s'appelle Abdullah et qu'il fait partie de la noble tribu de Quraysh. C'est donc un arabe et il a la lignée la plus noble. C'est un arabe et il a la lignée la plus noble. Et sa lignée remonte de manière de sources authentiques jusqu'à Adnan, son 20e grand-père. Et par la suite remonte de sources sûres jusqu'à Ismaïl, le fils d'Ibrahim, alayhima wa ala nabiyina as-salatu wa salam. Fahuwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim. Wa Muhammad ibn Abdillah ibn Hashim, ibn Abdil Muttalib ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lway, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nadr, ibn Kinana, ibn Khuzaima, ibn Mudrika, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'd, ibn Adnan. Jusqu'ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ila huna ma'lum siha. Jusqu'ici, c'est authentique. Mais entre Adnan et ce qui suit, il n'y a pas de chaîne de transmission authentique. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il descend d'Ismaïl alayhi salam, lui-même fils d'Ibrahim. Les prophètes, après Ibrahim, remontent tous à Ishaq, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui remonte à Ismaïl. Quant à sa situation, après cela, après avoir su son nasab, sa lignée, les savants mentionnent son année de naissance, le mois de sa naissance, le jour de sa naissance et sa ville de naissance. Il est né à Mecca. Il est né à Mecca, dans le meilleur endroit du monde, l'endroit où il y a Al-Ka'ba, l'endroit qui est Qiblatu Al-Mu'minin, la direction prise par l'ensemble des croyants, la direction prise par l'ensemble des croyants du monde lorsqu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né Am al-Fil. Il est né l'année de l'éléphant, durant le mois de Rabi' al-Awwal, et c'était un lundi. Il est né l'année de l'éléphant, Am al-Fil, la célèbre année où Abraha essayait de détruire la Kaaba accompagnée d'éléphants et d'une grande armée, mais Allah Azza wa Jal a repoussé ces gens-là et leur mal en préservant la Kaaba. Donc on l'appelle Am al-Fil, l'année de l'éléphant. Et le mois, c'est Rabi' al-Awwal. Le jour, c'est un lundi. Quant à la date exacte, il n'y a pas de preuve, si ce n'est que la plupart disent que c'était en 12, le 12 du mois. C'est la parole la plus répandue. Mais il n'y a pas de preuve sur cela. Donc on ne peut affirmer de manière sûre qu'il est né le 12. Et quoi qu'il en soit, il n'y a pas de jugement rattaché à cette date. Naam, vu qu'il n'est pas légiféré de fêter son anniversaire, ceci n'est qu'égarement et innovation, comme la plupart d'entre vous le savez. Il est donc né l'année de l'éléphant durant le mois de Rabi' al-Awwal, et c'était un lundi. On trouve des athars de pieux prédécesseurs qui nous disent c'est le 10. Naam, qui nous disent que c'est le 10, mais c'est la parole des tabi'oun. Naam, on n'a pas une parole authentique qui remonte jusqu'au sahaba ou encore au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit le 8e jour. Naam, d'autres ont dit le 8e jour, et ils ont utilisé le athar de Muhammad ibn Jubayr, Jubayr ibn Mut'im radiallahu anhu, qui lui disait qu'il est né le 8e jour du mois de Rabi'. Donc c'est le deuxième point à savoir. Le prophète alayhi salatu wa salam est né l'année de l'éléphant dans le mois de Rabi' al-Awwal, et c'était un lundi. Quant au jour, nous n'avons pas de preuve, mais certains disent le 8 ou le 10, et beaucoup disaient le 12. Le troisième point est de savoir la ville de naissance, à Mecca. Le quatrième point, sa situation familiale. Il est né orphelin. En effet, son père, Abdullah, est décédé à Al-Madina alors qu'il avait 25 ans. Il était parti visiter la famille de ses oncles maternels, Akhwalu, Naam min Bani Najjar, qui était à Al-Madina. Il est décédé là-bas. Il avait 25 ans. Et il n'est pas décédé dans l'islam. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'est pas décédé dans l'islam. Dans la péninsule arabique, il y avait Al-Hanifiyya, la voix d'Ibrahim, la voix du Tawhid, La ilaha illallah. C'est-à-dire le fait d'adorer que Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Et aimer Allah par-dessus tout et se désavouer du droit à l'adoration pour tout autre que lui. le fait de se diriger uniquement et exclusivement vers Allah Azza wa Jal et se détourner de tout autre que lui dans le culte. Ça c'est Al-Hanifiyya. Ça c'est Al-Hanifiyya, la voie qu'Allah Azza wa Jal a ordonné de suivre dans le Coran. La voie qu'il a complimentée dans le Coran. C'est la religion d'Ibrahim alayhi salam, la religion de tous les prophètes. La religion de tous les prophètes. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah nous dit dans Sourate Ibrahim, sur la traduction de, dans Sourate Al-Anbiya, pardon, sur la traduction de ses sens, les sens de ce verset, et nous n'avons envoyé avant toi de messager, si ce n'est en lui révélant, nulle divinité n'est digne d'être adorée, excepté moi, adorez-moi donc. Tous les prophètes sont venus avec cette parole. Ça c'est le Hanifi. Et dans Sourate Al-Nahl, Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous de ceux qui adorent en dehors d'eux. Ça c'est le Hanifi. Et sachez que les gens dans la péninsule arabique étaient sur le Hanifi. Ils étaient sur le Hanifi, ils étaient sur le Tawhid. Puis il y a un noble de la tribu de Khuza'a qui était une des plus grosses têtes à Mecca qui a voyagé vers Al-Sham. Et au Sham, il a vu l'adoration des idoles. Et il a été troublé par cela et Shaytan a fait rentrer l'amour de ce grand mal dans son cœur. Il a donc pris de ses idoles et les a ramenées à Mecca. Et c'est lui qui a modifié la religion des Arabes. C'est lui qui a perverti la religion dans la péninsule arabique. C'est lui qui a amené al-shirku billah. Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Amr ibn Luhay al-Khuza'i. De la tribu de Khuza'a. C'est lui qui a changé la religion des Arabes dans la péninsule arabique. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit « Je l'ai vu en enfer. Il tirait ses boyaux. » Le premier qui a changé la religion des Arabes. Sinon, ils étaient tous sur le Tawhid. Ils adorent Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. Ibrahim et Ismaïl ont construit le Kaaba et les gens venaient adorer Allah d'un culte sincère. Mais lui a changé leur religion. Puis ils ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal. Pendant de nombreux siècles. Puis Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour faire revenir les gens à la religion. D'Allah Azza wa Jal, la religion d'Ibrahim et de tous les prophètes, la religion du Tawhid. Donc, il y avait un Tawhid. Il y avait aussi dans certains endroits des gens du livre qui étaient sur la religion de Isa alayhi salam. La vraie religion de Isa, le Tawhid. Ils adoraient Allah Azza wa Jal dans le culte sincère. Donc, que personne ne dise comment est-ce que des gens de la Jahiliya, on nous dit qu'ils vont en enfer alors qu'ils n'ont pas atteint la da'wa du prophète alayhi salat wa salam. La réponse est qu'il y avait d'autres prêches avant le sien. Il y avait la vérité avant sa venue. Il y avait la voix de Isa alayhi salam et la voix connue d'Ibrahim alayhi salam al-Hanifi. Celui qui était dans cette religion avant l'envoi du prophète alayhi salat wa salam, voici le musulman. Voici le musulman. Na'am. Le prophète alayhi salat wa salam était donc orphelin. Son père est décédé quelques mois avant sa venue au monde. Et Al-Yatim est celui qui n'a pas son père avant l'âge de la puberté. En islam, il est qualifié de yatim, d'orphelin. Il a des droits particuliers. Il reçoit une attention de notre part particulière. Et il y a énormément de récompenses à dépenser pour eux, à être bien envers eux. À un point tel que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ana wa kafilul yatim kahatayn fil jannah. Il nous dit moi et celui qui s'occupe de l'orphelin seront comme cela au paradis. Na'am. Et il a montré son index et son majeur. Il a montré son index et son majeur sallallahu alayhi wa sallam. Quant à sa mère, elle se nomme Aminatu bint Wahb. Elle se nomme Amina bint Wahb. Et pareillement, elle n'a pas suivi la voie d'Ibrahim alayhi salam, elle est décédée en dehors de l'islam. Elle l'a donc enfantée à Mecca. Puis, on passe au cinquième point, qui est Murdi'atu, celles qui l'ont allaitée. Les Arabes avaient pour coutume de faire allaiter leurs enfants et de les éloigner dans leurs premiers mois ou premières années de la Mecque, car il y avait des épidémies, pour donc renforcer leur corps, les éloigner des différentes maladies qui sévissaient à Mecca, et aussi pour qu'ils aient l'éloquence la plus développée dans cette belle langue, la langue arabe. Il a donc été allaité par plusieurs femmes, notamment Thuwaiba, qui est la servante de Abu Lahab. Cette dernière a allaité le prophète alayhi salatu wassalam, tout comme elle a allaité son oncle Hamza radiallahu anhu et son compagnon Abu Salama radiallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam a été allaité par Halimatu al-Sa'diyya. Il a été allaité par Halima al-Sa'diyya, qui est la plus célèbre de celles qui l'ont allaité. Elle l'a donc pris et emmené chez Bani Sa'd. Donc dans son village, elle l'a allaité durant 2 ans. Puis elle est revenue comme convenu avec sa mère. Puis elle, du fait qu'elle était très attachée à cet enfant et qu'elle a vu beaucoup de bien dans cet enfant, elle lui a demandé de pouvoir le garder encore. Chose qu'accepta la mère du prophète alayhi salatu wassalam. Elle est donc retournée à Bani Sa'd et l'a gardé encore 2 années. Donc jusqu'à ses 4 ans, elle l'a allaité jusqu'à ses 2 ans. Puis elle l'a sevré et elle l'a gardé finalement jusqu'à ses 4 ans. Pourquoi jusqu'à ses 4 ans? Suite à un événement majeur qui est survenu dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est qu'à ses 4 ans, alors qu'il était sorti avec ses frères de lait pour jouer et pour garder les petits des moutons et autres bestiaux, c'est alors que l'ange Jibril alayhi salam lui est venu, accompagné d'un autre ange. Il se saisissa de lui, il le mit au sol, lui ouvra la poitrine, sortit son cœur, il le lava dans un récipient d'or avec de l'eau de Zemzem, et il demanda à l'autre ange de lui apporter des choses et de remplir son cœur de sakina et de le laver avec de l'eau, puis de la glace ou de l'eau de neige. Par la suite, il enleva de son cœur 2 adhérences noires en disant: voici la part de Shaytan te concerne. Puis il a réintroduit son cœur dans sa poitrine à sa place et a refermé cela, a recousu cela. C'est ce qu'on appelle hadithatu shaqq as-sadr, l'événement de l'ouverture de la poitrine. Et Allah nous dit dans le Coran: alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah subhanahu wa ta'ala a donc ordonné à l'ange Jibril alayhi salam de le préparer. Certains savants disent la sagesse était de le préparer à une lourde responsabilité qui allait l'attendre, la prophétie. Ainsi, il a été purifié intérieurement et extérieurement depuis son plus jeune âge, et il a été ma'soum, il a été rendu préservé ou infaillible, préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celle, donc suite à cet événement, elle a eu peur pour lui, car c'était une amane. Et ils avaient ce sens de la responsabilité de la amane. Elle le ramena donc à Mecca. Elle a rendu son dépôt à sa mère. Elle lui a raconté, mais étrangement sa mère n'a pas été effrayée. Elle a dit: j'ai vu une lumière sortir de moi lorsque je l'ai enfantée. Une lumière qui s'est déployée jusqu'à illuminer les palais du Cham. Il a également eu des nourrices sèches, c'est-à-dire des femmes qui l'ont gardé sans pour autant l'allaiter, à l'image de Ash-Shayma, qui est la fille de sa mère de lait, Halima. Celle-ci l'a gardée, elle s'est même convertie plus tard, radiallahu anha. Également, il y a la célèbre femme Ummu Ayman. Ummu Ayman, Barakatu al-Habashiyya. Cette femme a gardé le prophète alayhi salatu wassalam et il la visitait, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a cru en lui, c'était une femme très pieuse et vertueuse. Et elle était très accrochée au Coran. C'est pour cela que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam décéda, un jour Abu Bakr marchait, Omar lui a dit: où vas-tu? Et il lui a dit: je vais visiter Ummu Ayman comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: alors je t'accompagne. Ils l'ont visité, elle s'est mise à pleurer et ils lui ont dit: ya Ummu Ayman, ne sais-tu pas que ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle a répondu: certes, mais ça n'est pas pour cela que je pleure. Je pleure car la révélation s'est interrompue suite à son décès. Et à leur tour, ils se sont mis à pleurer. Radiallahu anhum. Le point suivant est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses 6 ans, sa mère décéda. À ses 6 ans, sa mère décéda. Donc il a atteint le point culminant de celui qu'on appelle l'orphelin. En plus d'avoir perdu son père, il a perdu sa mère. Le point suivant, c'est que c'est son grand-père, Abdul Muttalib, qui l'a recueilli. C'est son grand-père, Abdul Muttalib, qui l'a recueilli. S'occuper de lui. Et 2 ans plus tard, à son tour, il décéda. Donc vous voyez comment le prophète alayhi salatu wassalam a été éprouvé depuis le jour où il est venu au monde, sallallahu alayhi wa sallam. Il a grandi sans son père, il a été éloigné de sa mère, puis il a perdu sa mère, puis celui qui l'a recueilli, Abdul Muttalib, est décédé à son tour. Et avant de décéder, il recommanda à Abu Talib, un des oncles du prophète alayhi salatu wassalam, de le prendre. Abu Talib s'exécuta à un point tel qu'il le préféra à ses propres enfants. Car toute personne qui rencontrait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'aimait, le considérait, était attaché à lui de par ses nobles caractères. Il dépassait les autres dans toutes les qualités. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a rien d'étonnant de cela car il a été éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala et préservé par son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Abu Talib l'a donc gardé et le protégeait, mais il n'a jamais cru en lui, dans sa religion, au point de se convertir à l'islam. Il savait qu'il était véridique, il savait que c'était la vérité, mais l'a guidé, on ne doit jamais oublier qu'elle n'est que chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'était pas profitable d'être le père d'un prophète, le fils d'un prophète, l'épouse d'un prophète, si Allah subhanahu wa ta'ala ne te guide pas. Ibrahim alayhi salam, son père est décédé dans le shirk. Nuh et Lot alayhi salam, leurs épouses sont décédées dans le shirk. Non. Nuh, son fils, est décédé dans le shirk. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses deux parents et son oncle, qui l'a pourtant protégé, défendu jusqu'à son dernier souffle, et d'autres encore de sa famille sont décédés en dehors de l'islam. Comme si on voulait nous enseigner de ne jamais rattacher son cœur à une créature et de ne jamais compter sur un lien avec une créature. Mais il nous faut, nous, établir un lien avec le créateur des créatures, tabaraka wa ta'ala. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي. Allah nous dit, certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Sur la traduction des sens de ce verset, il est plus savant de ceux qui sont guidés ou bien qui méritent la guider. Donc Abu Talib a parfaitement rempli sa mission qui était de garder le prophète, de prendre soin de lui. Et à ses 12 ans, passe à l'événement suivant, qui est Rihlatuhu ila Sham, son premier voyage en direction du Sham. Le prophète, a accompagné son oncle, Abu Talib, en présence de certains notables de la Mecque vers Sham. Ils avaient l'habitude de faire deux voyages, un en été, un en hiver, vers Sham et vers le Yémen, selon les saisons. Lorsqu'il faisait moins chaud, ils allaient vers Sham, et lorsqu'il ne faisait pas trop froid, ils allaient vers le Yémen pour commercer. Ils allaient vers le Yémen pour commercer. Sinon, la base chez les Arabes, c'est qu'ils étaient sédentaires. C'était plutôt les différentes nations qui convergeaient vers les Arabes. Cela, car, entre autres, ils avaient le Kaaba. Ils avaient el Kaaba. Donc, à ses 12 ans, il a voyagé avec Abu Talib, accompagné de certains de la Mecque. Mais en chemin, il s'est passé des choses inhabituelles. C'est qu'ils ont rencontré là l'ermite Bahira. Et ce dernier n'avait pas l'habitude de sortir à leur rencontre. Mais cette fois-ci, étrangement, il est sorti. Il est sorti à leur rencontre. Il a marché vers eux. Il a tourné autour d'eux comme celui qui cherche une personne. Puis il a pris la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit « Hada sayyidul alamin, ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. » Cet enfant est l'élite de l'humanité. L'élite des mondes, Allah l'enverra en tant que miséricorde pour les mondes. Alors ils lui ont dit « Wa ma'ilmuka bik. » Et comment sais-tu cela? Puis il a cité certaines choses. Et ce hadith, qui est rapporté par Abu Musa al-Ash'ari, est grandement sujet à divergence entre les savants, comme la mention de Abu Musa al-Ash'ari, tout simplement. Car Abu Musa al-Ash'ari est venu avec les gens qui ont fait la petite égir à Al-Habash. Na'am, donc comment aurait-il pu rapporter cela? Deuxièmement, il y a la mention à la fin de ce hadith. Donc il a grandement insisté pour qu'il soit renvoyé à la Mecque. Car si les Romains le voient, ils vont l'assassiner en reconnaissant sur lui les signes de la prophétie. Donc au final, Abu Talib céda et le renvoya à la Mecque. Mais il nous est dit à la fin du hadith qu'il le renvoya avec qui? Il le renvoya avec qui? Abdullah. Abu Bakr et Adanis Fuljawab. Iwan. Hada jawabun laysa bi sahih. Salim. Bilal, ahsant. Puis il le renvoya avec Abu Bakr et Bilal. Pourquoi est-ce que c'est problématique? La mention de Abu Bakr et Bilal. Quant à Bilal, c'était, yani Abu Bakr l'a acheté qu'après l'avènement de l'islam. N'est-ce pas? Quant à Bilal, yani et Abu Bakr également, yani le Prophète sallam est son aîné de combien d'années? De 2 années. Barakallahu fik. Comment est-ce qu'on peut le renvoyer à la Mecque avec un enfant de 10 ans? Naam, c'est pour ça que l'imam al-Zahabi rahimahullahu ta'ala était sévère envers ce hadith. Mais il y a certaines parties du hadith qui ont été acceptées par beaucoup de savants. Quoi qu'il en soit, cette histoire a une base et on retient qu'à ses 12 ans, il voyagea avec son oncle Abu Talib et d'autres personnes. Puis il le renvoya à Mecca suite au dire de Bahir. On passe à l'événement suivant. À ses 25 ans, il fit son second voyage en direction du Sham. Khadija, radiallahu anha, bintu Khuwaylid, était une femme noble de la Mecque. Elle avait été mariée à deux reprises avant le prophète alayhi salatu wassalam. C'était une riche femme de Mecca, très respectée et connue pour sa droiture, sa chasteté et ses nobles caractères. Elle commerçait et faisait fructifier ses biens par une méthode qui est al-mudarab, c'est-à-dire tu achètes des biens, tu les confies à une personne qui va commercer avec, puis il te ramène l'argent, plus le bénéfice, et tu lui donnes une part comme convenu. Comme convenu. Ça s'appelle al-mudaraba, c'est une des formes de commerce licite. Est-ce que c'est compris? Khadija faisait cela, et elle a entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa droiture, sa amana, de son sidq, sa véracité. Elle l'a donc engagé pour travailler pour elle. Il a donc voyagé vers Hachem avec le servant de Khadija Maïsara. Et il a fait plus de bénéfices qu'avaient l'habitude de faire les employés de Khadija. Elle s'est donc réjouie de cela. Et à son retour, Maïsara lui a mentionné ce qu'elle a vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses qualités, son comportement. C'est alors qu'elle pencha vers lui pour le mariage. Et elle fit savoir cela. Le père de Khadija était décédé à cette époque. C'est donc son oncle, et certains ont dit son frère, qui la maria au prophète alayhi salat wa salam. Ils se sont donc mariés alors que le prophète alayhi salat wa salam avait 25 ans. Et elle, son aînée de 15 ans, elle avait donc 40 ans. Elle avait donc 40 ans. Et d'elle, il a eu l'ensemble de ses enfants, excepté Ibrahim, qui est l'enfant de Marie. Le prophète alayhi salat wa salam a eu 7 enfants. Il a eu 4 filles et il a eu 3 garçons. Le premier est un garçon, c'est le Qasim, d'où sa kunya Abul Qasim, qui est né à Mecca avant l'islam. Et il est décédé enfant, comme tous ses garçons. Il avait lui 2 ans. C'est pour cela qu'on l'appelle Abul Qasim. Son deuxième fils est Abdullah, qui est né à Médine. C'est pour cela qu'on le surnomme Al-Tahir et Al-Tayyib, le pur, le bon, car il est né dans l'islam, après la révélation. Son troisième fils est Ibrahim, qui est l'enfant de Maria, sa servante, et il est décédé lui aussi étant enfant, ils disent vers 18 mois, vers 1 an et demi. Quant à ses filles, il a Uzaynab, radiallahu anha, qui a été mariée à son cousin, le fils de son oncle maternel, Abu al-As ibn al-Rabi'. Et de lui, elle a eu des enfants comme Madha, Umama et d'autres. Son autre fille, Ruqayya, qu'il a mariée à Uthman. Suite à son décès, il lui a marié Umm Kulthum, qui est la dernière ou l'avant-dernière fille du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a une divergence entre elle et Fatima, qui est la dernière. Et donc, comme vous l'avez entendu, sa quatrième fille est Fatima, qui a été épousée par Ali ibn Abi Talib, son cousin. Et Zaynab a une qissa avec Madha Abu al-As ibn al-Rabi', lorsqu'il a été fait prisonnier et que les gens de Quraysh ont donné de leurs biens comme rançon, pour récupérer leurs proches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un bracelet, un bijou qui appartenait à, ou un collier, un bijou qui appartenait à Khadija. Alors ça l'a touché. Puis il a encouragé à ce que ce bijou ne soit pas pris et ils ont accepté cela, radiallahu anhum. Tout cela pour Madha secourir son époux. Et dans l'ordre, les enfants du prophète alayhi salatu wassalam sont comme cela. Il y a eu Al-Qasim, qui est le premier. Puis il y a eu Zaynab, qui est la seconde. Puis il y a eu Ruqayya, qui est la troisième. Puis il y a eu Fatima, qui est la quatrième. puis il y a Umm Kulthum qui est la cinquième, ou l'inverse. Puis le sixième c'est Abdullah et le septième c'est Ibrahim. Retenez qu'ils sont tous morts du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exception faite de Fatima radiallahu anha qui décéda 6 mois après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, comme dans la célèbre histoire du décès du prophète alayhi salatu wa sallam lorsqu'elle est venue le visiter. Elle a marché et s'est dirigée vers lui. Et Aïcha qui décrit cette scène dit que sa démarche était semblable en tout point à celle du prophète alayhi salatu wa sallam. Puis il s'est réjoui de sa venue et a dit marhaban bibnati, que ma fille soit la bienvenue. Puis il la fit s'asseoir à ses côtés. Elle était triste, elle pleurait. Elle disait, oh combien mon père souffre. Et il lui disait, ton père ne souffrira plus après ce jour. Naam. Lorsqu'il l'a vu dans cet état, il lui a dit une parole. Elle s'est mise à pleurer. Puis il lui a dit une autre, elle s'est mise à rire. Aïcha a dit, je n'ai jamais vu une joie aussi proche d'une tristesse. Que t'a dit le message d'Allah? Elle lui a dit, il ne m'appartient pas de dévoiler ce qu'il m'a dit. Plus tard, elle est retournée la voir et lui a dit, je te demande par le droit que j'ai sur toi de me dire ce qu'il t'a dit. Elle lui a dit, désormais oui, je te dirai. Après son décès, oui, je te le dirai. Et elle lui a mentionné, Naam, qu'il lui a dit lorsqu'elle arrive, qu'elle sera la princesse des femmes du paradis et la première à le rejoindre. Au kamaqala, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est la seule parmi ses enfants, Naam, qui n'est pas décédée de son vivant. Ainsi, on voit les épreuves qu'a eu le prophète, alayhi salatu wa sallam. On a un parfait exemple à suivre en la personne du prophète, alayhi salatu wa sallam. C'est pas que dans la salat, c'est pas que dans siyam, mais aussi dans sabr, dans l'endurance, lors des épreuves, lors de la perte de l'enfant. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, était éprouvé. Naam. Dans tout ce qu'on peut imaginer, il a été éprouvé. Que ce soit dans la santé, les malades ont un parfait exemple en la personne du prophète, alayhi salatu wa sallam. Que ce soit dans la pauvreté, les pauvres ont un parfait exemple en la personne du prophète, alayhi salatu wa sallam. Que ce soit dans le fait d'être calomnié, insulté, agressé pour son islam, le prophète, alayhi salatu wa sallam, on a un parfait exemple à suivre en lui. Et dans la perte des enfants, qu'ils soient nouveau-nés ou qu'ils soient adultes, on a un parfait exemple à suivre en la personne du prophète, alayhi salatu wa sallam. Lorsqu'il est revenu de la bataille de Badr, et que sa fille Ruqayya est décédée, les gens ne savaient pas s'ils devaient le féliciter ou bien s'ils devaient lui présenter les condoléances. Par la suite, il a perdu également Umm Kulthum. Naam, il a perdu ses enfants ainsi de suite. Subhanallah, ça c'est une grande épreuve. Mais on regarde comment s'est comporté le prophète alayhi salatu wa sallam et on le copie dans cela. Et on tente de lui ressembler si on ne peut pas atteindre, même si on ne peut pas atteindre son niveau. Et on avait cité la mas'ala fiqhiyya, qui est le fait de prendre la kunya du prophète alayhi salatu wa sallam, Abul Qasim. Et on était sorti avec le résumé qui est de dire que de son vivant, on ne peut pas prendre sa kunya pour celui qui s'appelle Mohammed. Mais après son décès, il n'y a pas de mal à le faire. Car la illa était de lui nuire. C'est-à-dire que dans la rue, on allait dire « Ya Abul Qasim ». Le prophète alayhi salam allait se retourner, puis on allait lui dire « C'est pas toi que nous visions. C'est pas toi que je veux. » Ainsi, ça va nuire, ça va déranger le prophète alayhi salam, et Allah nous a interdit de déranger et de porter quelques nuisances au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ces 25 ans, l'événement majeur, et 10 ans plus tard, à ses 35 ans, il a participé à la reconstruction de la Kaaba. Et il a uni entre les différentes tribus de Quraysh qui allaient s'entretuer lors de la remise en place de la pierre noire. Il leur a dit, mettez la pierre sur un vêtement et que chaque tribu désigne une personne qui va tenir une partie du vêtement. Et avec ses nobles mains, il a remis la Kaaba à sa place. Sallallahu, la pierre noire, barakallahu fik, la pierre noire à sa place. Le point suivant est que proche de la quarantaine, lui a été fait aimer le fait de se retirer. Il se retirait donc aux abats du mont Hira, de la montagne ou bien de la grotte de Hira. Il restait plusieurs jours et Khadija lui préparait ses provisions. Et là-bas, il méditait et il s'adonnait à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont dit c'est tafakkur, c'est le fait de méditer. Puis il redescendait auprès de Khadija et elle lui donnait à nouveau ses provisions. Puis il y a eu des signes, des premiers signes de la prophétie, c'est que lorsqu'il dormait, il voyait en songe des choses, et arrivé au matin, il les voyait. Na'am, il les voyait, ces choses qu'il avait vues en rêve, il les voyait se réaliser, se concrétiser de manière évidente. Lorsqu'il compléta ses 40 ans, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grande grâce et sa miséricorde, lui envoya l'ange Jibril. L'ange Jibril lui est venu dans la grotte Hira alors qu'il avait 40 ans. Il lui a dit « Iqra, lis ». Et ça, c'est un des événements majeurs qu'on doit tous connaître à ses 40 ans, à Mecca, dans la grotte de Hira. Jibril s'est saisi de lui. Il l'a serré d'une étreinte telle qu'il a cru qu'il il ne pouvait plus supporter. Puis il le relâcha. Avant ça, il lui a dit « Iqra, lis ». Qu'Allah a dit « Ma nabi qari, je ne suis pas du nombre de ceux qui savent lire ». Il s'est donc saisi de lui, il l'a serré d'une étreinte telle qu'il ne pouvait plus supporter. Puis il le relâche. Et cela s'est produit trois fois. Cela s'est produit trois fois, la même action, la même réponse, la même part. Après tout cela, Jibril lui a dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil-qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. » Il lui a transmis la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les premiers versets de Sourate Al-Alaq. Lis par celui qui t'a créé. Au nom du Seigneur, par le nom de celui qui t'a créé. Celui qui a créé l'homme ou l'humain d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le plus généreux, le plus noble. Celui qui a enseigné la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Par ces cinq premiers versets, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, le plus noble de Quraysh, le meilleur de l'ensemble des gens, des fils de Adam, est devenu le prophète d'Allah. Il est devenu le prophète d'Allah. Il a été effrayé et troublé par cette scène. Il est donc parti voir Khadija radiallahu anha, lui a raconté ce qui lui est arrivé et lui a dit « Khashitu ala nafsi, j'ai eu peur pour moi-même. » Et ça va en dire, c'est-à-dire j'ai eu peur de mourir, ou j'ai eu peur d'être touché par une chose grave, une maladie grave. Khadija radiallahu anha, cette épouse modèle, lui a dit « Kalla, mais non, la yukhziyak Allah, jamais Allah ne t'avilira. » Puis elle lui a cité ses qualités. Il aide les besogneux, il lit les liens de parenté, il est véridique dans ses paroles, et ainsi de suite. Puis elle est partie voir son cousin, Waraqat ibn Nawfal, et lui a raconté, puis il lui a dit, amène-le-moi. Et Waraqat ibn Nawfal avait la science des gens du livre, et il savait écrire en hébreu, et il avait écrit une partie du livre, de la révélation d'Allah Azza wa Jal, des livres anciens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a raconté ce qu'il s'est passé. Et Waraqat ibn Nawfal lui a dit, voici le confident de Moussa, celui qui venait à Moussa auparavant. J'aurais tant aimé être jeune et fort. Al-Jad'an, c'est le petit des bestiaux, du mouton autre. Dans le sang, j'aurais tant aimé être jeune et fort. Le jour où ton peuple te bannira de la Mecque. Prophète sallam a dit, mais est-ce qu'ils vont moi me bannir? Il lui a dit oui, personne n'est venu avant toi avec ce message sans avoir reçu cette rétribution de la part de son peuple. Mais peu de temps après, Waraqa est décédé. Il n'a pas pu atteindre ce moment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc devenu le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala suite à cet événement. Puis, il y a une interruption de la révélation. Certains savants disent quelques jours. Par la suite, l'ange lui est revenu. Et cette fois-ci, il lui a récité les premiers versets de sourate Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et averse. Proclame la grandeur de ton Seigneur jusqu'à la fin des versets. Avec ces versets de sourate Al-Muddathir, le prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam est devenu le messager d'Allah. Il était prophète, il est devenu messager. C'est un état, c'est un poste ou une responsabilité et un don d'Allah azza wa jal qui est supérieur au niveau de la prophétie. Il a été élu. Ça n'est pas une chose qu'on peut atteindre par nos efforts, par notre intelligence, mais c'est un istifa. C'est Allah Azza wa Jal qui élu celui qu'il veut. Et Allah est plus savant de celui qui mérite cela. Il est donc devenu le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. La da'wa a commencé secrètement. Donc Khadija est la première croyante. Elle a cru en lui, elle l'a suivi dans sa religion. Elle n'a pas quitté cette voie jusqu'à son dernier souffle. Elle a cru en lui, c'est la première croyante de manière absolue. Radiallahu anha. C'est la première à avoir cru en lui. Elle l'a secouru, elle n'a jamais douté de lui. Radiallahu anha. Puis, il a invité Abu Bakr à l'islam, qui a cru en lui et n'a pas émis de doute quant à ses véracités. C'est le premier homme à avoir cru en lui, le premier à s'être converti à l'islam. Il a appelé ses proches, et celui qui a cru en lui est Ali ibn Abi Talib, alors qu'il était enfant et n'avait jamais connu l'adoration des idoles. Radiallahu anha. Donc la première, de manière absolue, la première femme, c'est Khadija bint Khuwaylid, la première musulmane. Le premier homme, c'est Abu Bakr. Le premier enfant, c'est Ali ibn Abi Talib. Zayd ibn al-Haritha a cru en lui. Ammar ibn Yasser a cru en lui. Yasser a cru en lui. Soumaya a cru en lui. Bilal a cru en lui. Radiallahu anhum. Abdullah ibn Mas'ud a cru en lui. Et une minorité, parmi les sahab. Ces gens-là sont les premiers qui l'ont suivi et qui ont cru en lui. Au point où Abdullah ibn Mas'ud nous dit: je me suis vu le sixième de six en présence du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr a eu un rôle essentiel dans cela. Et c'est par sa cause que les meilleurs des compagnons se sont convertis à l'islam. Parmi les dix promus au paradis, à l'image de Az-Zubayr ibn Awwam, Abdurrahman ibn Awf, Uthman ibn Affan et d'autres. Par sa cause, ils se sont convertis à l'islam. Radiallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam a une période où il a invité les gens à l'islam, mais pas ouvertement. Par moments, il parlait en public, mais ça n'était pas la majeure partie du temps. Des gens venaient de l'extérieur, ils leur parlaient et leur disaient: lorsque vous entendrez que je suis sorti, c'est-à-dire que mon affaire a pris de l'ampleur et qu'elle s'est révélée au grand jour, revenez-moi, revenez vers moi. Ça, c'est la preuve qu'il y a une période où la da'wa était secrète, Certains savants ont dit que ça a duré quelques années. Quelques années. trois années. D'autres ont dit plus. D'autres ont dit plus. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'étape suivante est qu'il a fait da'wah au grand jour. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé « Wa anzir ashiratak al-aqrabin » et avertis tes proches parents. Et avertis tes proches parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni ses proches et a réuni sa famille. Abdullah ibn Abbas nous dit qu'il est monté sur le mont de Safa. Il est monté sur le mont de As-Safa. Et a dit, « Ya Sabah, ah !» Il a crié, a attiré l'attention des gens. Les gens ont dit, « Qui est-ce ?» Ils se sont réunis autour de lui. Et celui qui ne pouvait pas s'y rendre a envoyé, a dépêché une personne pour écouter. Puis il a dit, « Ara'aytu min akhbartukum bi khay anna khaylan takhruju min safhi hadha al-jabal. Akuntum musaddiqi ?» Ne voyez-vous pas si je vous informais que derrière cette montagne, il y a une armée qui s'apprête à vous surprendre. Est-ce que vous auriez foi en moi? Vous certifierez mes dires? Ils ont dit oui. Nous n'avons jamais connu de toi le mensonge. Puis il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, fa inni nadhirun lakum. Je suis un avertisseur pour vous. Bayna yaday adhabin azim. Avant que ne vous touche un châtiment immense. Alors Abu Lahab lui a dit, « Allez, hada jama'atana, est-ce pour cela que tu nous as réunis ?»« Tabban lak sa'ir al-yawm, que tu perdes à tout jamais. » Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, « Tabbat yada abi lahabi wa tab, que les mains de Abu Lahab perdent et qu'ils perdent. » On a cité les mains, les savants ont dit, « Car les mains sont la base de l'action. » C'est-à-dire que tout ce qu'il va entreprendre est voué à l'échec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ses proches et a appelé les différents membres de sa famille et les différentes tribus qui avaient un lien direct avec lui. Et un par un, certaines personnes de sa famille. Puis il les a invités à l'islam. Puis il les a invités à l'islam. La plupart n'ont pas adhéré au message. Et une minorité a cru en lui. Ses enfants ont cru en lui et l'ont suivi dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, « Ayyuhan nas, ô vous les gens, qulu la ilaha illallah tuflihu. » C'était ça son prêche, c'était ça son message. Dites la ilaha illallah et vous obtiendrez la réussite. Une parole, si vous la prononcez, toutes les nations seront en dessous de vous. Mais ils ont refusé. Et là, ils ont commencé à le combattre. Ils ont dit, « Aja'al al-alihata ilaha wahida, inna hada la shay'un ujab. » Est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une seule et divinité unique? Voici là une chose bien étonnante. Ils ont compris que la ilaha illallah signifiait délaisser Allat, délaisser l'Uzza, délaisser Mana, délaisser Hubal, délaisser toutes les fausses divinités, délaisser l'adoration des prophètes, des anges et de tout ce qui est en dehors d'Allah. Et s'adonner à l'adoration exclusive d'Allah Azza wa Jal, seul sans associé. C'était les Arabes Aqhah. Ils comprenaient la ilaha illallah. Ils comprenaient ce que ça voulait dire. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'il a insulté nos ancêtres et il a dénigré nos divinités parce qu'ils ont compris que la ilaha illallah se composait de deux parties. La ilaha, le fait de renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Et illallah, le fait d'affirmer que le seul à mériter entièrement toute l'adoration était Allah. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ وَالْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ وَالْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Ceci est car Allah est la vérité. Allah est le seul à mériter l'adoration. Et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Et certes, Allah est le plus haut et le plus grand. Ça, c'est la ilaha illallah. C'est le sens de la ilaha illallah. Naam, il est venu avec ce message. Depuis le premier jour, Kuffar Quraysh, qui eux étaient des Arabes, ont compris ce que voulait dire la ilaha illallah. Alors, ils ont mécru. Ils n'ont pas voulu dire la ilaha illallah avec leur langue. Puis lorsqu'ils ont un problème, ils vont sacrifier une bête, donner l'adoration à autre qu'Allah. Non, ils ne voulaient pas se contredire. Ils ne voulaient pas se contredire. Contrairement à des gens au jour d'aujourd'hui qui disent la ilaha illallah. Et lorsqu'ils ont un problème, ils font de la sorcellerie, c'est du shirk, du kufr. Et lorsqu'ils ont un problème, ils vont sacrifier pour autre qu'Allah. Ça contredit la ilaha illallah dans la base. Na'am. Et lorsqu'ils ont un enfant malade, ils ne lèvent pas les mains, ils disent pas ya Allah, ishfi marid. Non. Mais ils demandent à autre qu'Allah. Ces gens-là disent la ilaha illallah avec leur bouche, mais ils ne comprennent pas la ilaha illallah. Ils ne comprennent pas la ilaha illallah. Quand tu dis la ilaha illallah, tu purifies ton cœur de se diriger vers l'autre qu'Allah Azza wa Jal dans toutes tes affaires. Quand tu dis la ilaha illallah, tu dis que le seul qui mérite de moi toute forme d'adoration, as-sujud, ar-ruku', al-khawf, al-mahabba, al-raja, al-raghba, al-dhabh, al-nadhr, al-sukun, al-i'tikaf, tout cela c'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis la ilaha illallah, tu dis que cette prosternation, cette inclinaison, cette lecture du Qur'an, cette retraite spirituelle, cette peur, cette crainte, cet amour, ce désir, cette humilité, cette humiliation, tout cela tu dis c'est que pour Allah Azza wa Jalla. Et personne en dehors d'Allah Azza wa Jalla ne mérite ça. Parce qu'il n'y a que Allah qui m'a créé, c'est donc le seul que j'adore. Quand tu dis la ilaha illallah, c'est ça que ça veut dire. Quand tu dis la ilaha illallah, lorsqu'on regarde tes poignets, ton cou et ta taille, on ne trouve rien d'accroché en tant que gris-gris, en tant que porte-bonheur. Parce que quand tu dis la ilaha illallah, tu dis que le seul qui me protège, c'est Allah. Le seul vers lequel je reviens pour demander l'aide, pour demander l'assistance, la protection, la préservation, le secours, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yujibul muttarra idha da'a wa yakshifus su. Toi tu reconnais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis la ilaha illallah, quand tu sacrifies une bête, c'est bismillah pour Allah. Quand tu dis la ilaha illallah, quand tu fais un vœu, tu le fais pour Allah. Tu le fais pour Allah, dans ce qu'Allah agrée. Quand tu dis la ilaha illallah, tu aimes Allah dans l'amour adoration et nul autre avec lui. Et quand tu fais une chose, tu la fais pour Allah. Et quand tu la délaisses pour Allah. Quand tu dis la ilaha illallah, tu as peur d'Allah et personne en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les gens se réunissent pour te nuire, toi tu sais que seul Allah peut les repousser. Et que si Allah n'a pas décrété cela, ils ne pourront rien faire, même s'ils se réunissent et qu'ils sont l'ensemble des gens de la terre. La ilaha illallah, ça c'est une parole qui est la parole du tawhid, qui est l'urwatul wuthqa, qui est kalimatul taqwa, kalimatul iman. C'est la clé du paradis, la clé par laquelle tu entres en islam. C'est la clé du salut, c'est la réussite dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. La ilaha illallah, c'est le message de l'islam, c'est le prêche du prophète alayhi salatu wassalam. Pour cela on a révélé les livres. Pour cela on a envoyé les messages. Pour cela le paradis a été créé. Pour cela l'enfer a été créé. Toute l'épreuve, elle revient à cette parole. Celui qui la prononce avec science et s'y tient, il fait partie des gens du paradis. Et il n'y a entre lui et l'entrée au paradis que la mort. Celui qui s'en détourne, même s'il y croit, il ne la prononce pas en ayant la capacité de le faire, il fait partie des gens de l'enfer. S'il meurt sur cela, il fait partie des gens de l'enfer. Qat'an. Et il n'y a entre lui et son entrée en enfer que la mort. Que la mort. Personne n'entre au paradis sans la ilaha illallah. Et personne s'éternise en enfer avec la ilaha illallah. C'est la meilleure parole qui a été prononcée. Qui a été prononcée par un prophète. C'est le prêche de tous les prophètes et tous les messagers. C'est cela qu'on doit étudier, apprendre, enseigner. Sur cela, il faut patienter. Ce à quoi il faut s'accrocher. Et c'est sur cela qu'il faut vivre. Et il ne faut jamais délaisser. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous faire vivre sur cette parole et de nous faire mourir sur cette parole. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. Kuffar Quraysh, lorsqu'ils ont entendu le prophète alayhi salatu wassalam appeler à cela, ils l'ont détesté après l'avoir aimé. Ils ont rompu avec lui après avoir lié les liens. Ils l'ont dénigré, critiqué, insulté après l'avoir respecté et avoir reconnu qu'il était le meilleur de leurs enfants. Ils ont donc utilisé plusieurs stratèges pour éloigner les gens de son message. Et ça, c'est une sunna et c'est une épreuve d'Allah Azza wa Jalla. Toute personne qui vient avec la vérité, on met sur son chemin des détracteurs. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas failli à cette règle. Tout cela pour qu'Allah Azza wa Jal l'élève en degré et qu'il soit un exemple pour ceux qui viendront après lui parmi les gens de la véracité de la prédication. La première chose, ils sont partis voir son oncle Abu Talib et ils lui ont dit: dis à ton neveu de cesser ce prêche-là. Abu Talib a parlé à son neveu, le prophète sallam a refusé. La deuxième étape, ils sont retournés le voir et ont menacé à ce moment-là Abu Talib de s'en prendre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'il ne le faisait pas taire. Abu Talib lui a parlé, mais le prophète sallam a refusé à nouveau. Troisièmement, ils ont commencé à salir son image et à propager des isha'at, des rumeurs, pour salir son nom, propager le mal à son encontre, pour que celui qui entend parler de lui se dise: ah, lui il n'est pas véridique, ah lui il est mauvais, il ne faut pas écouter de lui. Comme on entend au jour d'aujourd'hui ceux qui mettent en garde contre les ulama de la sunna, ceux qui mettent en garde contre les prêcheurs à la sunna. C'est pas une chose qu'ils ont inventée. Atawasawbi, c'est un héritage satanique de Kuffar Quraysh, et avant ça, des détracteurs des messagers depuis l'époque de Nuh, alayhi salam. Depuis l'époque de Nuh, alayhi salam. Celui qui appelle à Allah et qui patiente, il est resté sur le chemin de Nuh, de Hud, de Saleh, d'Ibrahim, de Moussa, de Isa, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui fait partie des détracteurs, des prédicateurs du vrai, il fait partie des héritiers, des ennemis de Nuh et de tous les prophètes les uns après les autres. Iyadan billah. Ils l'ont insulté de plusieurs choses. Ils ont dit qu'il était fou. وَقَالُوا يَا يُوَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ذِكْرِ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. Ils ont dit qu'il était fou, comme dans Sourate Al-Hijr. Ils l'ont insulté d'être mas'our, d'avoir reçu du sihr. Et les injustes ont dit: vous ne faites que suivre un homme ensorcelé, comme dans Sourate Al-Furqan. Ils ont dit que c'était un sorcier, un magicien, comme dans Sourate Sa'ar. Et les mécréants ont dit: voici un sorcier. Ils ont dit que c'était un menteur, comme dans le même verset de Sourate Sa'ar, Kadhab, grand menteur. Mais en réalité, eux l'étaient, iyadan billah. Ils ont dit qu'ils déterraient des livres anciens. Ils ont dit qu'un homme lui enseignait. Ils ont dit qu'il a déterré des feuillets et toute mauvaise parole. Parmi leurs stratèges, le fait de se moquer de lui et de le prendre en raillerie et en dérision. De le prendre en raillerie et en dérision. Mais Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois repoussait cela contre eux. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun. Puis ils se sont moqués de leurs suiveurs, pareillement. Tout cela dans le but de décourager les croyants, de les faire fuir de l'islam, d'abandonner leur religion. Mais comme a dit Hiraql à Abu Sufyan, est-ce que ces gens-là, leur nombre, il augmente ou il diminue? Il a dit, il augmente. Est-ce que l'un d'entre eux sort de l'islam après y être entré? Non. Il a dit, voici la foi quand elle se mélange dans les cœurs. Quand la personne, elle croit avec science, fermement, tu ne peux pas la faire sortir de l'islam. Tu peux parler sur sa religion, tu peux parler sur son prophète, tu peux dénigrer son livre. Mais lui, son iman, tu ne peux pas le faire sortir de son cœur. Il préfère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala après avoir subi les pires tortures que de délaisser cette religion, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Et c'est ainsi que s'est comporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils lui ont dit, si tu veux qu'on écoute de toi, éloigne de ton entourage les pauvres et les faibles. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé: وَلَا تَتُرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Ne vire pas de ton entourage ceux qui invoquent leur Seigneur de jour comme de nuit en espérant son visage. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas succombé, n'a pas faibli devant tout ce qu'ils ont entrepris pour le faire faiblir. Ensuite, ils ont utilisé at-tashwish. Ils ont essayé de déranger. Ils ont essayé de faire du bruit, de siffler, de frapper des mains lors de la lecture du Coran. Mais le prophète alayhi salatu wa salam est resté faible. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'an. Comment? Il est resté ferme. J'ai dû faire une faute. Il est resté ferme et il n'a pas changé son message. Allah dit dans le Coran: Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Ils se sont unis pour faire du bruit lors de la lecture du Coran, car ils ont compris que avec le Coran, les croyants allaient avoir la suprématie. Mais ils sont restés accrochés à ce message. Ensuite, parmi ceux qu'ils ont utilisé, ils ont dit au prophète sallam: amène un miracle si tu es véridique. Amène un miracle si tu es véridique. Fais sortir des sources d'eau. Fends la lune en deux. Pourquoi? Ils lui ont dit aussi: pourquoi c'est pas un ange qui est venu si tu es véridique? Et Allah Azza wa Jalla a réfuté tout cela et il l'a envoyé et lui a accordé des signes plus manifestes les uns que les autres. Une seconde. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les kuffar Quraysh ont utilisé une autre manière d'égarer les gens et d'éloigner la masse de l'écoute du prophète alayhi salatu wassalam et d'embrasser l'islam. Ils ont insulté le Coran et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah azza wa jalla lui a dit: wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. N'élève pas trop la voix lorsque tu lis le Coran et ne la baisse pas complètement. Puis, ils ont interdit à leurs enfants et leurs épouses d'écouter le Coran. Parce que lorsqu'ils entendaient le Coran, ils entraient en islam. Ils reconnaissaient la vérité. Ce n'était pas une parole humaine, mais la parole du tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ils se sont unis avec les autres communautés pour essayer de le rendre incapable de répondre à leur problématique. Naam. Et de le bloquer dans différentes questions. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'assistait. Ils ont essayé de le faire pencher vers la dunya en lui proposant toutes les richesses, femmes et puissance. Mais il a tout refusé. Puis ils ont essayé de lui faire peur en dernier recours. Mais tout cela, toutes ces madhas, toutes ces étapes n'ont pas réussi. Et Allah Azza wa Jalla a affermi son prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque tout cela n'a pas été fructueux pour eux, ils sont passés aux agressions physiques. En s'en prenant d'abord aux faibles, ceux qui n'avaient pas de grande tribu. Naam, ils ont torturé certains sahabas, ils ont assassiné certains parmi les sahabas, comme Yasser, comme Soumaïa, naam, comme les parents de Ammar radiallahu anhuma, et ils ont torturé d'autres personnes, comme Bilal, comme Ammar et d'autres radiallahu anhum. Bilal radiallahu anhu était habillé de fer, était traîné sur la plaine et laissé au soleil, et on le torturait. Puis on lui enlevait cela, et on lui mettait des pierres lourdes sur le corps, et on lui disait, tu n'as qu'une parole à dire pour être délivré. Renie la religion de Mohammed et tu seras délivré. Et il lui de répondre, Ahad, Ahad, ça n'est qu'une divinité unique. Il proclamait la parole du Tawhid dans cette situation des plus difficiles à supporter. Subhanallah. C'est ainsi qu'ils ont adhéré à l'islam. Pas que avec la parole, mais avec le qalb, avec le cœur. Et l'islam a pénétré leur cœur. Et il s'est répercuté sur leur membre. Et c'est cela l'iman. C'est une chose dans le cœur, une croyance. Une parole sur la langue et des actions avec les membres. Ça augmente avec l'obéissance au tout miséricordieux. Et ça diminue lorsqu'on commet des péchés. Malgré ça, les sahaba sont restés fermes. Et ils sont restés endurants. Et les exemples sont très nombreux. Les exemples sont très nombreux comme on vient ici de citer. Il y a aussi Khabbab ibn al-Arat qui a été torturé et beaucoup d'autres parmi les faibles comme Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Il y a eu le Muqata. Parmi ceux qu'ils ont utilisé, ils ont fait un blocus et ils ont interdit à qui que ce soit de commercer avec Banu Hashim, d'acheter et de vendre, de marier et d'être épousé avec Banu Hashim, à un point tel qu'ils se sont retirés et ils se sont mis à manger de ce qu'ils trouvaient, jusqu'à manger des choses de la terre, à l'image de l'herbe et d'autres choses. Et Khadija a patienté avec le prophète alayhi salatu wassalam dans cette situation. Et arrivé à la fin de l'an 4, à l'an 5, ça arrivait à un point culminant. Cette épreuve a atteint un point culminant. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a permis aux compagnons de faire la petite égire à Al-Habash. De faire la petite égire à Al-Habash. Naam, juste pour finir le point d'avant, la dernière idée satanique qu'ils ont eue, c'est l'assassinat du prophète alayhi salatu wassalam. Mais Allah l'a préservé et plus tard il lui a permis de faire l'égire. Mais avant cela, il y a eu la première égire à Al-Habash. Il y a eu la première égire à Al-Habash. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a permis de partir. Et Allah azza wa jalla a révélé certains versets qui faisaient référence à cela. Comme dans surat Az-Zumar, « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يَكْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. » Des versets ont été révélés où il y avait la mention de Mada, que la terre d'Allah n'était pas étroite et qu'il y avait des endroits où il pouvait partir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux sahaba de partir à Al-Habash. Et cet égir, c'est Al-Hijra min baladi khawf ila baladi amn. C'est la petite égire, c'est pas la grande égire de Mecca à Al-Madina. Elle a eu lieu fi sanati al-khamisa ba'd al-bi'tha fi shahri Rajab. Notez, elle a eu lieu la première petite égire à Al-Habasha en l'an 5 après l'avènement de l'islam, pas après l'égire, en l'an 5 après la prophétie, après le début de la révélation. C'était durant le mois de Rajab. Quant au nombre, il y a eu 12 hommes et 4 femmes. Il y a eu 12 hommes et 4 femmes. Parmi eux, Uthman ibn Affan et son épouse, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, Ruqayya. Ruqayya. Ils sont donc partis à Al-Habasha et ils ont vécu dans un bon diwar, dans un bon voisinage. Al-Najashi a préservé leur personne et ils sont restés un certain temps. Par la suite, il y a eu la rumeur de la conversion de Quraysh à l'islam. Alors ils sont revenus la même année, ils sont revenus à Mecca, mais ils ont trouvé que cette rumeur était fausse. Certains sont repartis et d'autres sont restés. Et la torture n'a été que plus sévère et difficile. La torture n'a été que plus sévère et difficile. Lors de la seconde hijra, ils étaient bien plus. Les compagnons, parmi les hommes, étaient environ 80. Quant aux femmes, elles étaient 19. Donc lors de la première petite hijra, il y avait 12 hommes et 4 femmes. Quant à la seconde, il y avait 80 hommes et il y avait 19 femmes. Et Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, on finira la révision de ce que nous avions étudié de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, on continuera. Donc on reviendra Inch'Allah sur l'égir et sur l'histoire lorsque Quraysh ont envoyé Abu Mada, Amr ibn al-As, j'ai oublié, avec un autre, pour ramener les compagnons, à Mecca, mais Al-Najashi n'a pas adhéré à leur vision. Il leur a permis de rester après avoir entendu des paroles du Coran, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. والله أعلم وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل ما نتعلم حجة لنا لا علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اصلح زوجاتنا وذرياتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات